Vers Paris, la région Normandie a financé 80% des travaux de pôle d'échange multimodal aux abords de la gare, soit 440 000 euros. La ville de Verneuil-Davre et Diton, quant à elle, participe à ces travaux d'aménagement à hauteur de 110 000 euros. Le pôle d'échange prévoit notamment un abri vélo d'une quinzaine de places, 3 places d'autocar, 5 places de taxi, 103 places de stationnement voiture, dont 6 destinées aux personnes à mobilité réduite. Les objectifs de ce nouvel aménagement sont de contribuer au développement de la fréquentation de la gare de Verneuil-sur-Avre et de structurer les différents modes d'accès à la gare, vélo, automobile, taxi, autobus et dépôt minute. Par ailleurs, la région Normandie accompagne actuellement à hauteur de près de 50 000 euros un projet de modernisation des équipements de quai qui concerne le doublement de la capacité de l'abri voyageur en direction de Paris. Ce projet doit offrir aux usagers de la gare de Verneuil une meilleure qualité d'accueil, d'accessibilité, de confort et d'information. Les travaux démarreront en décembre prochain. Leur livraison est prévue en mars 2019. La semaine dernière, mercredi matin, un habitant de Grandchain, âgé de 92 ans, a heurté deux jeunes de 17 ans, étudiants au lycée Augustin Fresnel à Bernay. Ces derniers étaient alors engagés sur un passage protégé rue Maurice Lemoyne. Un des lycéens a été victime d'une double fracture du bras, tandis que son camarade s'est plaint d'une douleur au genou. L'automobiliste, qui ne s'est pas arrêté après le choc, a déclaré aux gendarmes de Bernay lors de son audition ne s'être rendu compte de rien. Le lycéen, le plus atteint, a subi une intervention chirurgicale après son transfert à l'hôpital de Bernay. C'est une scène rocambolesque qui s'est déroulée lundi vers 20h rue de Panette à Évreux. Pour une raison obscure, une cliente du bar tabac Le Fontenoy a jeté son verre en direction d'un client. Le patron est intervenu et a tancé la jeune femme. Visiblement en état d'ébriété, la cliente de 25 ans n'était pas non plus décidée à régler ses consommations. Elle s'est engouffrée dans son véhicule. Le buraliste a tenté de la retenir au travers de la vitre, mais a chuté par terre. En route, la jeune femme s'est aperçue qu'elle n'avait plus son sac à main. Elle a fait demi-tour en direction du bar tabac pour le récupérer. J'étais en train de nettoyer les bris de verre avec un balai. Lorsqu'elle est revenue avec sa voiture, elle a manqué de me rouler dessus. J'ai donné un coup de balai sur la carrosserie et du coup elle a enclenché la première et a foncé dans la vitrine. C'est ce que relatait Giovanni Bellencontre, le gérant du bar tabac. La jeune femme a ensuite pris la fuite à pied en laissant son véhicule dans la vitrine. Elle a été interpellée peu de temps après par la police qui l'a placée en garde à vue. Le gérant a déposé plainte. La cliente indélicate devra répondre devant la justice de faits de violence volontaire avec arme par destination. L'ardoise de cette ébroïcienne risque d'être un peu plus élevée que les 3 de bière qu'elle avait consommée. Un habitant de Saint-Étienne-du-Rouvray a pu découvrir les geôles de l'hôtel de police d'Évreux. Dimanche dernier, en milieu d'après-midi, cet homme de 27 ans a été en effet arrêté par les policiers de la capitale de l'Eure et placé en garde à vue pour détention et transport de produits stupéfiants. Dans sa Mercedes, qui était arrêtée au beau milieu de la rue Pierre-Semard, les feux de détresse allumés, les forces de l'ordre, assistées d'un officier de police judiciaire, ont découvert 36 grammes de résine de cannabis. C'est d'ailleurs à cause de la forte odeur de cannabis qui se dégageait de l'habitacle que l'automobiliste a eu en droit à un contrôle plus serré. Cerise sur le gâteau, le jeune homme avait omis de restituer son permis de conduire après avoir épuisé la totalité de ses 12 points. Il est ressorti de sa garde à vue avec une convocation par OPJ devant le tribunal correctionnel d'Évreux pour le 28 mars prochain. Une partie des salariés de la maternité de Bernay s'est installée sur le toit de l'établissement pour protester contre le projet de fermeture du site. En début d'année, l'agence régionale de santé avait confirmé l'arrêt de la maternité à l'automne 2018, compte tenu notamment de la baisse de la natalité. Le rapport de l'agence régionale de santé évoque aussi le contexte de pénurie des professionnels et la moindre activité des professionnels pour ce territoire. Une kermesse était prévue ce mercredi pour réunir les habitants de Bernay et les informer des dernières avancées sur ce dossier. Une page Facebook a également été créée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est le retour de la musique. Passez une très belle fin de nuit, très belle journée sur Cristal. Hearts alive, fire.

So just when the world's saying they got no hope, here comes the love. We got audio. I'm flying high, superhero. S on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star, 'cause we got audio. Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. Un mot de la météo pour débuter. La pluie est en partie vers l'est dans la nuit. Le temps est sec pour ce vendredi matin entre éclaircies et nuages assez nombreux, avec un vent modéré assez fort et des minimales comprises entre 11 et 14 degrés ce matin. Cet après-midi, soleil presque partout prédominant, mais des nuages qui restent encore un peu plus abondants et des maximales toujours élevées de 21 à 25 degrés. Hervé Morin, président de la région Normandie, a inauguré mercredi matin les nouveaux aménagements du pôle d'échange multimodal de la gare de Verneuil-Davre et Diton. En 2016, la fréquentation annuelle de la gare de Verneuil s'est élevée à 110 734 voyageurs. Elle bénéficie actuellement de 7 allers-retours par jour vers Paris. La région Normandie a donc financé 80% des travaux de pôle d'échange multimodal aux abords de la gare, soit 440 000 euros. La semaine dernière, un habitant de Grandchain, âgé de 92 ans, a heurté deux jeunes de 17 ans, étudiants au lycée Augustin Fresnel à Bernay. Ces derniers étaient alors engagés sur un passage protégé, rue Maurice Lemoyne. Un des lycéens a été victime d'une double fracture du bras, tandis que son camarade s'est plaint d'une douleur au genou. L'automobiliste, qui ne s'est pas arrêté après le choc, a déclaré aux gendarmes de Bernay ne s'être rendu compte de rien. C'est une scène rocambolesque qui s'est déroulée lundi dernier vers 20h rue de Panette à Évreux. Pour une raison obscure, une cliente du bar tabac Le Fontenoy, la jeune femme qui est en état d'ébriété, n'a pas non plus voulu payer ses consommations. La nuit, la pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Vos enfants vont pouvoir faire des drifts dans la maison. Attention, va falloir, c'est la feu. C'est, ah, j'arrive pas à le dire ce mot. C'est, je sais plus. Jocelyne, dis-moi, oui, comment on dit. Cellophane. Cellophané. Voilà. Cellophané. Toute la déco dans la maison. Bon, non. Bien sûr, ils peuvent jouer dehors avec une trottinette électrique qui va quand même jusqu'à 15 km/h. Vous la remportez ce midi en jouant avec nous au 02 32 23 53 96. Notre première candidate habite à Écardenville, la campagne. C'est dans l'heure. Bonjour, Sonia. Bonjour. Nous sommes avec une maman qui fait beaucoup de pâtisseries. Exactement. T'essayes même de faire le goûter de tes enfants toi-même, du coup. Exactement, ouais, le plus possible. Tu fais quoi, par exemple? Je des marbrés chocolat, des crêpes, les gaufres, les rouler au chocolat. Ils doivent être contents, tes enfants, dis donc. Oui. Et c'est quoi ta grande spécialité à toi, Sonia ? Les macarons. Ah oui, il faut savoir les faire parce que c'est pas facile. Non. Ça prend beaucoup de temps. Tu mets combien de temps à faire des macarons à peu près ? 3 heures à peu près pour faire une cinquantaine de macarons. Ah oui, bon, une cinquantaine de macarons quand même. Bon, j'imagine que tu gâtes tout le monde en fin d'année, ta famille et tout ça avec plein de macarons du coup. Oui, les collègues en profitent également, tout le monde. J'en fais profiter tout le monde. C'est vrai qu'il nous manque ça chez Crystal. Quelqu'un qui sait faire de la pâtisserie et qui nous ramène des gâteaux tous les jours. Ça nous manque, ça nous manque. Sonia, bon, t'habites à Écardenville-la-Campagne. Si tu gagnes aujourd'hui, on voudrait bien goûter un petit peu de ton marbré ou de tes crêpes. Ça nous ferait Pourquoi plaisir. Donc, une minute de question, tu peux remporter ta trottinette électrique si tu fais le meilleur score aujourd'hui. Je rappelle également que tu peux faire 10 bonnes réponses consécutives et là, tu vas remporter la somme de 500 euros. Tu peux passer si tu n'as pas la réponse pour gagner un petit peu de temps. Très bien. Par contre, ça va mettre en péril les 500 euros. Oui. Faut faire un choix. On y va ? On y va. 3, 2, 1. Quelle chanson de Lara Fabian reconnais-tu dans cet extrait ? Quelle campagne de vaccination a débuté le week-end dernier ? La grippe. Comment s'appelaient les souverains égyptiens durant l'Antiquité ? Les pharaons. Qui présente le jeu « Tout le monde veut prendre sa place » sur France 2 ? Quel est le plus grand des océans ? Atlantique. Quels sont les professionnels qui prêtent le serment d'Hippocrate avant d'entrer en fonction ? Pharmacie. Cite une chanteuse dont le nom de scène est un pseudo. Christina the Queen. Quelle taxe devrait baisser de 30% cet automne pour 80% des Français ? Les impôts. Donne-moi à 3 ans près l'âge de l'animateur Benjamin Castaldi. 48. Donne-moi à 2 ans près le nombre de chiffres qui composent un numéro de carte bancaire. 10. Tu as dit 10 ? 10. Non, c'était pas la bonne réponse. Bon, c'est pas grave. C'était 16. Pourtant, tu l'utilises de temps en temps, je suppose, pour faire des petits achats sur Internet. Oui, tout à fait. Moi, je les connais par cœur, à force, mes chiffres. Bon, c'est triste, ça, qu'on en arrive à ce point-là. Oui. Alors, je m'excuse d'avance, j'ai un petit rhume. Alors, c'est un petit peu compliqué quand on fait de la radio. Du coup, mes M deviennent des B de temps en temps. Alors, j'essaie de prendre le plus de temps possible pour poser votre question. Donc, la chanson de Lara Fabian qu'il fallait reconnaître dans cet extrait, je t'ai pas vraiment mis le passage le plus évident, en effet. Tout est fini entre nous. Non, tu ne l'as pas toujours ? Non. C'était pour un fou, non ? Tout simplement tout. D'accord. La campagne de vaccination qui a débuté le week-end dernier, c'était la vaccination contre la grippe. Tes enfants, ça va, ils ne sont pas tombés malades pour le moment ? Non, pas du tout. On touche du bois, ouais. Voilà. Comment s'appelaient les souverains égyptiens durant l'Antiquité ? C'était les pharaons. En effet, tu vois, ça démarre bien. Voilà, je sens que c'est un petit peu mitigé. Va falloir que tu révises aussi un petit peu ta géographie. On va voir ça dans un instant. Ouais. Pourquoi ? Juste après Calvin Harris et Sam Smith avec Promises, Crystal. Are you drunk enough? And I judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises. Tonight, c'était Calvin Harris avec Sam Smith. Je trouve que ça ressemble à une musique de magasin, vous savez, des grandes chaînes qui mettent la musique à fond. Et on a même pitié pour les vendeuses. On se dit, elles passent toute la journée là-dedans, mais les pauvres, elles doivent avoir mal à la tête à la fin. Enfin bref, nous sommes avec Sonia. Bonjour, rebonjour. Oui. Sonia, vous avez plutôt bien démarré donc ce questionnaire qui présente le jeu « Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 », c'était bien Nagui. Mm-hmm. Et là arrive une question un peu géographique, quoi. Allez, le plus grand des océans. Oui. Ce n'est pas l'océan Atlantique, c'est l'océan Pacifique. Oui. Quels sont les professionnels qui prêtent le serment d'Hippocrate avant d'entrer en fonction? Tu as dit les pharmaciens. Oui. J'ai été voir sur Internet, j'ai bien revérifié. C'est le serment de Galien pour les pharmaciens. Oui, le serment d'Hippocrate, c'est pour les médecins. Oui. C'est une chanteuse dont le nom de scène est un pseudo. Tu as dit Christine and the Queen, ça fonctionne. Il y avait également Zazie ou encore Cœur de Pirate. C'est la taxe d'habitation qui devrait baisser de 30% cet automne pour 80% des Français. Tu l'as peut-être déjà reçue? Oui. Moi oui, aussi. J'ai dit les impôts généraux, mais c'est vrai que... C'est généralement le mois d'octobre, on n'a pas trop envie, comme au mois de mai, d'ouvrir sa boîte aux lettres. On a toujours peur d'avoir une petite lettre des impôts. Alors donne-moi 3 ans près l'âge de l'animateur Benjamin Castaldi. Tu as dit 48 ans, tout pile, c'est son âge. Bon. Alors Sonia, c'est plutôt bien. Tu as fait 5 points. Bon. On va attendre. Tu t'attendais à plus peut-être? Oui, avec le stress, il y a des trucs, voilà, Hippocrate, tout ça, mais bon. Tu fais combien généralement dans la voiture quand tu nous écoutes? 7-8, mais après, c'est pas facile, on n'a pas le stress de la radio. C'est vrai, mais pourtant, t'as vu, je suis pas méchante, hein? Non, du tout. Et personne te voit en plus, ce n'est pas de la télé, hein, c'est de la radio, donc vous pouvez être tranquille chez vous, voilà, dans votre bain, même à la limite, personne ne vous verra, quoi. Merci Sonia, alors peut-être à tout à l'heure. Tu sais, tu peux toujours gagner la pause déj avec 5 points, hein, ça arrive très très souvent. Oui. Alors, merci beaucoup Aurélie. Croise les doigts, gros bisous. Bisous. Et puis, bon courage pour la pâtisserie pour ce soir, pour le goûter des enfants, d'accord? Oui, merci. Vous écoutez la pause déj, la rediff, avec Aurélie sur Cristal. Treasure and love so deep I cannot measure. Ain't nobody loves me better, makes me

La pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Soyez les bienvenus sur Cristal dans la pause déj. Aujourd'hui, une trottinette électrique pour enfants est à remporter. Il faut battre notre première candidate. C'est Sonia Descardenville, la campagne. Elle a fait 5 points, ce qui laisse toutes les chances aujourd'hui pour Véronique de Falaise. Bonjour. Bonjour. Tu vas peut-être pouvoir gagner aujourd'hui cette trottinette électrique que tu vas offrir à ta fille qui s'appelle Maëva. Oui. Qui est en 5e, qui est à l'école en ce moment, je suppose. Tout à fait. Elle mange à la cantine ? Elle mange à la cantine, oui. Bon, la cantine du collège, ça va ? Ça passe ? Ouais, les menus sont corrects. Ouais. Les menus sont corrects. C'est mieux qu'en primaire ? C'est un peu mieux, c'est un self, donc il y a le choix. Il y a plus de choix. C'est ça, exactement, il y a déjà plus de choix. Ouais. Alors, Falaise, en ce moment, tu m'as dit, on fait 14 degrés à peu près. Ouais, 14-15, ouais. Bon, ça va chuter de toute façon, là, les températures. Faut imaginer bien qu'on est en automne quand même, on va pas pouvoir avoir 25 degrés non plus tout le mois d'octobre. Mais c'est surtout que ce soir, on va commencer à avoir des averses orageuses et ça va arriver par la Manche. Tu vas être une des premières à être touchée aujourd'hui. Bon, tant pis. Donc là, à partir de 16h, c'est la pluie. Et là, ça va chuter directement au niveau des températures. Bon courage en tout cas et faites attention si vous prenez la voiture ce soir avec ce risque de pluie. Donc, on y va pour une minute de questions, Véro ? C'est parti. Voilà, je t'appelle Véro maintenant, on est copines. On y va, 3, 2, 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait ? Tu me plaques comme ma vie. Qu'est-ce qui peut être de café, de sel ou de sable ? Je passe. Qu'est-ce qui prend plus de temps que prévu cette semaine et qui tient les médias en haleine ? Le remaniement ministériel. Le soir, en semaine, pendant que Gilles Boulot présente le 20h sur TF1, qui lui fait face sur France 2 ? Laurent Delahousse. Ils vont changer de nom à partir de demain et ça risque de surprendre pas mal d'automobilistes. De quoi s'agit-il ? Carburant. Cite un sport commençant par la lettre C comme Céline. Le cross-country. Quel nain porte des lunettes dans Blanche-Neige ? Je passe. Quel insecte est particulièrement redouté lorsqu'il est asiatique ? Le moustique. Donne-moi à 3 ans près l'âge de l'animateur de Danse avec les stars, Camille Combal. 30. Quel est l'autre nom du poisson appelé cheval marin ? Hippocampe. T'es facile celle-ci, On aurait pu le mettre dans le questionnaire pour enfants. Et pour JT, c'est Anne-Sophie Lapix. Les amis revenus juste après. Oui, ce n'est plus Laurent Delahousse, c'est Anne-Sophie Lapix avec... C'est Louis-Ken Delahousse, je crois. Exactement. Ouais. Une femme aux 20h sur France 2, ça fait aussi plaisir. Et puis Anne-Sophie Lapix, c'est pas mal du tout non plus. C'est plutôt sympa, ouais. Il peut être de café, de sel ou de sable, c'était le grain. Bah oui, c'est dommage aussi pour celle-ci. Par contre, tu as retrouvé les bébés brunes. C'est une bonne réponse. Et ce qui tient en haleine les médias cette semaine, même nous, chez Cristal, on est devant BFM Télé, on se dit, allez. Et non, c'est bien le remaniement ministériel. C'est plutôt pas mal, Véronique. Là, je viens de voir ton score. Alors, est-ce que tu as battu aujourd'hui ? Donc, Sonia Descardenville, la campagne, est-ce que tu as égalisé avec elle ou est-ce que tu as donc perdu ? La réponse, ce sera juste après Julien Doré, ça fait plaisir, on va réécouter le lac tout de suite. À tout de suite. Ok. Sur les bords du lac. Elle tente de battre Sonia d'Écardenville, la campagne. Est-ce qu'elle a fait 6 points aujourd'hui pour battre Sonia? Véronique? Oui. Tu n'es pas une débutante dans la pause déj, tu as déjà joué l'année dernière. Tu n'avais pas remporté? Non. Tu as été battue à chaque fois, il me semble. Oui, à chaque fois. Alors, est-ce que le sort continue pour toi? J'ai bien peur que oui, mais bon. T'es revenue un peu sur les questions, sur les réponses que tu as données? Regardez l'âge de Camille Combal, déjà, ça c'est mort. Alors en effet, Camille Combal qui présente Danse avec les Stars ans, n'a pas 30 ans, il a 37 ans. Ouais. Il ne les fait pas en même temps. Hein. Non, c'est de sa faute. Ouais. Je trouve ça dégueulasse, moi, d'avoir 37 ans et d'en faire 30, quoi. Quel nain porte des lunettes dans Blanche-Neige, c'est prof. Ah ouais, bon. L'insecte qui est particulièrement redouté lorsqu'il est asiatique, ce n'est pas le moustique, je pense que tu parlais du moustique tigre, mais on parlait du frelon asiatique. Ah ouais, ok. Ils vont changer de nom à partir de demain. Il s'agit des carburants. Par exemple, à partir de demain, à la pompe, vous ne trouverez plus de diesel, mais du B7. Seul le nom change, hein, je vous rassure. Alors, un sport qui commence par la lettre C, comme Céline, tu m'as dit du... Cross-country, moi j'ai dit. Oui, tu m'as pas trouvé le... T'aurais pu trouver du cyclisme. Par exemple, ça c'était simple, il y avait aussi du canoë. Non, toi t'as été chercher le sport que... Il y a peut-être 30 personnes qui font ça dans la vie. Ok, on l'a accepté en tout cas. Du cross-country. Ça consiste en quoi le cross-country exactement? Tu connais toi Jocelyne, arbitre de la pause déj? Véro? C'est de la course à pied, non? Cross-country. Bon, on a été vérifié, en tout cas c'était bon. Alors, il fallait faire 6 points. Véronique, tu as fait 5 points, tu as égalisé aujourd'hui. Ouais. Je crois que le sort s'acharne. Hein. Oui, ouais, c'est sûr. Mais ce qui est bien, c'est que tu retentes à chaque fois. Ben oui, ouais, faut pas désespérer. T'es persévérante, en tout cas, c'est ce qu'il faut dans la pause déj. Faut pas hésiter à le faire, parce que vous pouvez passer déjà une fois cette année, vous pouvez repasser quelques mois plus tard, il n'y a pas de problème. Vous êtes 3 candidats à passer par jour, ça vous laisse toutes vos chances. Véronique, merci en tout cas, ta bonne humeur, toujours. Eh ben, bonne journée, merci. Je te souhaite une bonne journée. Et la prochaine fois, alors. Eh bien, je t'attends, bien sûr. Il n'y a pas Allez, de soucis. Bonne journée, au revoir. Salut Véronique. On y va, 02 32 23 53 96. Vous l'avez compris, aujourd'hui, vous avez toutes vos chances de remporter une trottinette électrique pour vos enfants. 02 32 23 53 96. Vous faites 6 bonnes réponses et c'est gagné. Vous écoutez La Pause d'Âge, la rediff avec Aurélie sur Cristal. Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. Un mot de la météo pour débuter, la pluie est en partie vers l'est dans la nuit, le temps est sec pour ce vendredi matin entre éclaircies et nuages assez nombreux, avec un vent modéré assez fort et des minimales comprises entre 11 et 14 degrés ce matin. Cet après-midi, soleil presque partout prédominant, mais des nuages qui restent encore un peu plus abondants et des maximales toujours élevées de 21 à 25 degrés.

Alors, ben, je ne sais pas si je suis génial, mais j'ai 6 petits enfants et j'essaie de les occuper comme je peux. Bon, tu vas. Tu vas bien gagner une trottinette. Et ben, en fait, ce que tu m'as dit, c'est tu veux gagner la trottinette électrique, tu la laisses chez toi et quand ils viennent à la maison, exactement, ils peuvent tous s'en servir, quoi. Exactement. Et comme ça, ça ne fait pas de jaloux. Ça ne fait pas de jaloux, exactement. Et ben, c'est une très bonne idée, Jean-Marc. Je salue cette initiative, en tout cas. Jean-Marc, tu as entendu l'autre, la première candidate? Ils ont fait 5, oui. Alors, tu dois en faire 6. Je te rappelle que tu peux également faire 10 bonnes réponses consécutives. Là, tu gagnes 500 euros et là, tu peux gâter tes petits-enfants pour Noël. Ah ben, c'est ce que je ferai, c'est sûr. Alors, on y va? On y va. C'est parti. 3, 2, 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait? Combien y a-t-il de cartes de couleur rouge dans un jeu de 32 cartes? Quel site de vente par correspondance sur Internet porte le même nom qu'un fleuve d'Amérique centrale? Amazon. Cite un jeu qui rime avec rillette et qu'on trouve dans un casino. Le roulette. La roulette. Comment s'appellent les prochaines vacances scolaires à venir? Les vacances de la Toussaint. Quel est le prénom de l'actrice dont le nom est Bejo? Bérénice. Donne-moi à 3 ans près l'âge de Christina Cordula. 42 ans. Comment dit-on non en russe? Yes. Dans quel département normand se trouve la commune du Neubourg? L'Eure. Il peut être jaune ou de sauvetage. De quoi s'agit-il? Pardon? 224 plus 48 égale 265. Eh ben, dis donc, pas mal le calcul mental, Jean-Marc. J'ai toujours aimé ça, le calcul mental. Oui, mais ça se voit, en tout cas. Tu m'avais dit de toute façon, en rantaine, que t'étais chaud pour jouer à la pause déj. C'est exactement ce que tu m'as dit, hein. Je ne fais que répéter. Oui, alors, Jocelyne a une question sur... il peut être jaune ou de sauvetage. J'ai entendu, moi, il a dit le gilet. D'accord, oui. C'est bon. Donc, Jocelyne, il faut se laver les oreilles le matin avec un contour-tige. C'est pensé. Non, c'est vrai que ça a coupé pile au moment. J'avais bien compris que c'était le gilet. Ça sent plutôt bon pour toi aujourd'hui, Jean-Marc. Alors, je vais saluer madame qui est juste derrière toi. Elle s'appelle comment? Dominique. C'est ta femme? Oui, c'est ma femme. Non, c'est ma maîtresse. Depuis 40 ans. Eh ben bravo, dis donc, 40 ans de mariage. Eh oui. Alors, c'est quoi le secret? Le secret, c'est l'amour. Oh non, mais vous me répondez toujours ça, vous n'êtes pas marrant. Oui, il faut s'aimer dans la vie. Mais oui, il faut s'aimer en effet. Faire des concessions, bien sûr, parce que... Ah. Et aussi avoir ces petites plages personnelles. Moi, par exemple, je fais du tennis de table. Ma femme, elle fait de la poterie. D'accord. Nos copains et nos copines un peu différents, donc c'est très bien comme ça. On a un certain équilibre. Alors attends, Jean-Marc, parce que tu m'as dit qu'il faut faire des concessions dans la vie. Mm-hmm. Et t'as fait quoi, toi, comme concession? Bah, des concessions, des fois, ma femme veut faire quelque chose et j'ai pas trop envie, mais j'y vais. D'accord. Ça, c'est propre à tous les hommes, je crois. Comment? Elle le fait aussi? Ah oui. Par exemple, qu'est-ce qu'elle aime pas faire que tu aimes faire? Bah, marcher, par exemple. D'accord. J'aime pas trop marcher, mais si je lui dis on va faire une balade, bah, des fois elle me fait plaisir, elle vient. Bon, il y aura une trottinette électrique, t'auras juste à la poser dessus, ta femme, et puis elle pourra venir avec toi. Je sais pas si ça va aller, si c'est une trottinette enfant, je sais pas si ça va aller. Eh, 15 km/h quand même. Ah oui, d'accord. Bon, faut pas faire plus de 80 kg, hein, les parents qui veulent jouer avec la trottinette électrique, sinon. Ça va péter juste. Oh là là. Elle s'appelle comment ta femme? Dominique. Dominique, je l'embrasse, Dominique. Bonjour quand même. Merci, je vous embrasse. Ouais, il est taquin, Jean-Marc. Hein. Oui, toujours, mais bon. Est-ce que c'est pas le secret de l'amour quand même, ça? Exactement, c'est ça, voilà. Bon. Il faut rire aussi, voilà. Alors, j'adore discuter avec vous, mais il va falloir qu'on passe à la correction. On va le faire directement, d'ailleurs. On va savoir qui remporte aujourd'hui la pause déj. Est-ce que c'est Jean-Marc de Marom avec sa femme Dominique ou est-ce que c'est Sonia Descardenville de la campagne? C'est elle qui a le score de 5 points. Alors, Jean-Marc, il fallait reconnaître dans l'extrait musical Maria Carré. Mais je pense que tu savais que tu n'allais pas connaître l'artiste. Non, du coup, t'as passé pas directement. D'accord. Tu as bien fait. Combien y a-t-il de cartes de couleur rouge dans un jeu de 32 cartes? Il y en a bien 16. Le site de vente par correspondance sur Internet qui porte le même nom qu'un fleuve d'Amérique centrale, c'est bien l'Amazon. Amazon. Un jeu qui rime avec rillette et qu'on trouve dans un casino, eh bien, j'ai l'impression que c'est plutôt Dominique, hein, qui joue à la roulette au casino, puisque c'est celle qui a donné la bonne réponse. C'est ça les concessions aussi. Ah oui, c'est pas toi qui joues, c'est Dominique. Oui. Comment s'appellent les prochaines vacances scolaires à venir? C'est les vacances de la Toussaint. Bien joué. L'actrice dont le nom est Béjo, c'est bien Bérénice. Béjo, bravo encore à Dominique. Oui. Tu pourras lui faire un gros bisou à ta femme. Les complémentaires. Donne-moi 3 ans près l'âge de Christina Cordula. Alors là, vous y étiez pas du tout. Alors même si elle le porte pas sur elle, Christina Cordula, elle fait quand même 53 ans. Ah là, enfin, je dis quand même 53 ans. C'est non. Gentil avec les femmes, moi, alors. Oui, bah tu as dit 42 ans, hein. Mais bon, bah, elle s'entretient, quoi, Christina Cordula. Comment dit-on non en russe? On dit niet. Bonne réponse. Et dans quel département normand se trouve la commune du Neubourg? C'est dans l'Eure. Il peut être jaune ou de sauvetage, on l'a dit tout à l'heure, c'était bien le gilet. Jean-Marc, bon, je pense que tu l'as compris aujourd'hui. Ben, je pense, oui. Tu as remporté la pause déj, félicitations. Jean-Marc, je rappelle à tout le monde que tu veux gâter tes petits-enfants, t'en as 6. Oui. Tu vas garder la petite trottinette électrique dans votre garage et puis quand ils viendront à la maison, ils vont pouvoir jouer avec, quoi. Exactement, c'est ce qu'on va faire. Bon, et bah ça me fait vraiment plaisir pour tous tes petits-enfants. Là, je suis en train de gâter plusieurs enfants en même temps, ça me fait plaisir. Ah ben oui, bah c'est un beau cadeau, là, c'est sûr. Bonjour. Je remercie vraiment de la radio, puis tous les animateurs qui sont très sympas. Eh ben merci Jean-Marc, ça me vient tout droit au cœur. Tu feras un gros bisou à Dominique également, ta femme qui a joué avec toi, qui t'a fait gagner plusieurs réponses quand même. Mais j'y manquerai pas, c'est sûr qu'elle m'a aidé. Oui, mais on a besoin d'une femme à ses côtés, c'est pour ça. Ah mais ça c'est sûr, moi je pourrais pas m'en passer. Oh c'est trop mignon, une déclaration comme ça en direct à la radio. Jean-Marc et Dominique, je vous fais des gros gros bisous, c'était un vrai plaisir de jouer avec vous également, avec Sonia Descartes d'Enville de la Campagne qui est peut-être en train de nous écouter aujourd'hui, qui s'est fait battre par le dernier candidat. Vous jouez également, vous défiez les candidats de la pause déj au 02 32 23 53 96, toujours avec cette trottinette électrique pour enfants à remporter. Vous écoutez la pause déj, la rediff avec Aurélie sur Cristal. Dimitri prend l'antenne jusqu'à 9h30.

déjà doux ce matin, 11 degrés sur Rouen et son aglo, 12 degrés à Évreux et Bonneville-sur-Iton chez Sandrine qui se prépare à aller bosser. Et puis dans le Calvados à Caen, 12 degrés aussi hein, pour le moment. On prévoit une belle journée en Normandie aujourd'hui avec quelques nuages quand même, mais rien de méchant pour l'instant. On va encore sortir les t-shirts, eh oui, on se croirait en été. 24 degrés début octobre, c'est assez rare, faut tous en profiter. On espère que ça tiendra le temps du week-end. La météo, on en reparle en détail après 6 heures évidemment. Pour le moment, voici l'horoscope d'Alexandra. Salut Alex. Bonjour à tous, bon vendredi. Nous sommes le 12 octobre et c'est l'horoscope des béliers. Pour commencer, vous serez de bonne humeur, ami bélier, et vous aurez l'âme plutôt généreuse. Taureau, des remises en question sont à attendre. Cela vous permettra d'éclaircir la situation avec votre moitié. Gémeaux, vous aurez tendance à être un peu débordé, mais vous reprendrez vite le contrôle de votre organisation. Cancer, votre bonne humeur sera communicative et vos amis vous adoreront. Lion, les célibataires, Vénus vous offrira un carnet d'adresses dans lequel vous n'aurez qu'à piocher les yeux fermés. Vierge, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, les astres vous invitent à patienter. Balance, vous vous sentirez très proche de votre famille, vous leur prouverez votre attachement. Scorpion, vous faites le point sur vos récents amours passés et vos désirs. Les Sagittaires à la maison, pas de séparation en vue, mais de franches et pragmatiques explications sont à prévoir. Capricorne, arrêtez de regarder en arrière, il est temps de tourner la page. Verseau, forcez-vous à sortir, voir vos amis, faites-vous plaisir, allez déjeuner ou dîner, allez danser, pourquoi pas, vivez quoi. Les Poissons, vous voyez la sincérité des sentiments chez votre partenaire et les émotions sont exprimées réciproquement. Excellente journée à tous. Bientôt 6h, le réveil est souvent difficile, hein, le vendredi, c'est normal, c'est la fin de semaine. Courage, on est là sur Cristal avec vous comme tous les matins. Vous êtes déjà nombreux à bosser à cette heure-ci, je sais, bravo. Et pour les autres, eh bien, bon réveil. Allez, Mylène Farmer, le tout nouveau, c'est ce qu'on écoute avant l'info sur Cristal. Ça s'appelle Sentimental. Sentiment.